l'implication d'un leader autour d'un certain nombre d'attributs, de qualités. Et donc c'est cette fameuse différence motrice qui vraiment est utilisée assez fréquemment dans le jargon des spécialistes du marketing et de la publicité. Alors, 4 ans plus tard, donc on était dans les années 50, 4 ans plus tard, les démocrates comme les républicains vont s'appuyer pleinement sur la télévision qui rentre dans les foyers à cette époque-là et sur des messages courts, donc type publicitaire, au détriment, toujours bien sûr, des longs développements, des longues argumentations, des diatribes que l'on connaissait peut-être auparavant. Donc, on a bien compris que parler à un public, parler sur une estrade, dans un meeting, avec des militants, c'est bien sûr tout à fait différent que de s'adresser aux téléspectateurs à travers le petit écran. Donc il fallait bien sûr adapter son message. Et donc, une des campagnes les plus emblématiques à l'époque fut en fait cette fameuse campagne de Kennedy. Donc Kennedy contre Johnson. Et avant l'élection présidentielle de 1960, où Kennedy a fait face, à Nixon, on a vraiment vu là s'établir une professionnalisation de l'image, une professionnalisation du marketing politique dédiée à tirer bénéfice de ce que pouvait offrir déjà à l'époque le petit écran, donc la télévision. Hein, donc on a adapté le discours et la communication à ces médias, on a calqué véritablement les talents d'un Kennedy sur ce que pouvait offrir la télévision en termes de justement de valeur ajoutée et de capital sympathie. Alors on va voir un extrait dans un instant, mais on a mis en œuvre l'ensemble de l'arsenal de la promotion commerciale, donc ce qui est déjà rentré dans les mœurs publicitaires pour les marques et pour les produits de grande consommation. On a commencé à le faire également pour les leaders politiques. On a travaillé déjà sur l'image de l'homme politique à travers de ce qu'on appelait des media training. Donc depuis, chaque homme politique, chaque femme politique du top level passe par un media training pour justement avoir être préparé au jugement de l'image des téléspectateurs. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va véritablement tester les publics, tester le message sur les publics. Alors, j'espère que les vidéos fonctionnent, sinon on trouvera une solution. Mais est-ce que vous connaissez la série Mad Men ? Vous connaissez quelque chose ? Alors dans la série Mad Men, il y a un épisode où on voit justement cette campagne de Kennedy. Kennedy, nouveau riche, recent immigrant who bought his way into California who was vice president of the United States 6 years after getting out of the Navy. Kennedy, I see a silver spoon. Nixon, I see myself. If we were to run a critical ad, there are obvious benefits. When you run an ad that's positive, you're only convincing the people who are already voting for you. But when you run an ad that's critical, you get a shot at the people on the fence. There are a lot of people on the fence. Gentlemen, whether the Nixon campaign wants it or not, we have to produce a spot that aims a howitzer at Kennedy's balls. I want to hear ideas after the long weekend. I agree. Let's go down swinging. Donc j'ai laissé express cet extrait, peut-être que vous avez retenu quelques éléments, et vous voyez donc il est question de la campagne de Nixon, comment construire la marque, déjà le branding en fait d'un Kennedy. Donc on voit, enfin j'ai relevé quelques phrases qu'on entend ici, c'est d'une part, dans le petit spot qu'on voit au départ de Kennedy, on voit que c'est léger, c'est amusant, que ça n'obstrue pas l'esprit, que voilà, c'est attirant en tout cas pour le regard, et que le président est déjà considéré à l'époque comme un produit. Hein. Et donc on a l'image de JFK, on a une personnalisation, puisqu'on le met en scène avec sa famille, avec John Kennedy, avec son enfant, et donc c'est un produit, et c'est une campagne qui est façonnée par une équipe de relations publiques à l'époque. Et donc, c'est un message qui est totalement évanescent, éphémère, puisqu'on l'oublie immédiatement après l'avoir entendu. Et ici, les questions, bien sûr, de Nixon, qui, lui, peut-être a d'autres atouts, puisque c'est un, comme on l'entend ici, un self-made-man, et qui est toujours, à l'époque en tout cas, devant dans les sondages. Mais tout ceci, bien sûr, se passe avant cette fameuse confrontation télévisée, où Nixon n'était pas préparé, en réalité, pour un débat télévisé moderne, et Kennedy, lui, il était bien entendu, était beaucoup plus télégénique que son opposant, et on pense en tout cas que ça a fortement joué dans le choix des Américains de cette époque. Donc l'image fraîche, entre guillemets, et jeune d'un Kennedy face à un Nixon fortement transpirant et peut-être trop verbal dans ses interventions. Alors, on est dans l'actualité politique aujourd'hui, on parle beaucoup de campagne présidentielle, et il y a, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça ne vous a pas échappé qu'on est en plein dans la campagne américaine pour le moment, et donc vous avez peut-être effectivement vu le fameux débat de mardi, durant la nuit. Peut-être que comme moi, vous n'avez pas dormi durant cette nuit. Et c'est simplement pour vous montrer le contraste, après on retournera dans les années 60, mais pour vous montrer le chemin qu'on a fait depuis cette époque. Donc il est toujours question de personnalisation, il est toujours question des compétences individuelles, et ici on voit que dans cet échange que je vous montre dans un instant, il n'est plus toute question d'idées, de programmes, d'argumentation classique, mais véritablement on s'intéresse à la compétence de l'individu et aux qualités, voire à la personnalité en fait des candidats. Donc on aura bien sûr encore l'occasion ces prochaines semaines d'analyser d'autres extraits liés à cette campagne, mais rien que cet extrait là en tout cas vaut en tout cas le détour. Well, I have much better judgment than she does. There's no question about that. I also have a much better temperament than she had. You know? I have a much better... She spent, let me tell you, she spent hundreds of millions of dollars on an advertising. You know, they get Madison Avenue into a room, they put in a temperament. Let's go after it. I think my strongest asset, maybe by far, is my temperament. I have a winning temperament. I know how to win. She does not have a temperament. Wait. The AFL-CIO the other day, behind the blue screen, I don't know who you were talking to, Secretary Clinton, but you were totally out of control. I said, there's a person with a temperament that's got a problem. Secretary Clinton. Woo, okay. Oui, niveau 1, donc. Donc il est vraiment question de tempérament, de personnalité, de caractère, et on verra que cette dimension finalement qui n'a plus rien à voir avec les compétences purement politiques, programmatiques, va prendre de plus en plus d'importance. Mais retournons dans les années de Kennedy, les années 60. Alors on a parlé des États-Unis, En France, malgré l'innovation introduite par un certain Pierre Mendès-France dans les années 50, où il était déjà question de causerie téléphonique, donc radiophonique, donc où vous pouviez allumer votre poste et pendant des heures entendiez Pierre Mendès-France parler de ses idées, de ses projets pour l'avenir, qui était en fait déjà inspiré par un modèle américain à l'époque, de Roosevelt, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, les fireside chats, donc des discussions à côté, enfin près du feu ouvert, qu'il menait pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on a dû quand même attendre pas mal de temps avant d'avoir une professionnalisation du type américaine, enfin comme on l'a vu dans les exemples. Donc il a fallu attendre, en vérité, la campagne d'un certain Jean Le Canuet, que vous voyez ici, dans les années 60, pour les présidentielles de 1965, qui était candidat du Parti centriste à l'époque, et donc qui, finalement, s'inspirait énormément d'un Kennedy, hein, avec des slogans relativement déjà inspirés par la publicité, un homme neuf, une France en marche, hein, avec l'aide de publicitaires, un publicitaire très connu et qui également a écrit une page de l'histoire de la communication politique qui s'appelle Michel Bongrand, donc Michel Bongrand qui a, je dirais, fait ses armes sur cette campagne de Le Canuet, et donc qui est généralement présenté de façon assez innovante comme l'un des premiers à avoir percé à travers des outils, grâce à des outils marketing. Donc il a récolté lors du premier tour 16% des suffrages, alors qu'il ne récoltait que 3% d'intention de vote au début de la campagne. Donc il y a quand même une percée en termes de notoriété faite grâce aux outils marketing. Alors quelqu'un comme De Gaulle à l'époque était tout à fait hostile à ce type de communication, à ce type de procédé. C'est bien sûr plus facile d'y être hostile lorsqu'on a la main mise sur les médias, sur la télévision, sur la radio. Donc voilà. Alors c'est également dans les années 60, en 1965, que les sondages préélectoraux ont gagné des lettres de noblesse, hein, donc en prédisant d'ailleurs la fameuse mise en ballotage du général de Gaulle. Donc le général de Gaulle en 65 pensait être réélu haut la main, mais finalement il a été mis en ballotage par François Mitterrand déjà à l'époque. Et donc c'est quelque chose auquel le pouvoir et la cour autour du général de Gaulle ne s'attendaient pas, mais que les sondages avaient prédit à cette époque. Alors, les campagnes des présidentielles se sont là aussi perfectionnées. C'est toujours quelque chose qu'on regarde avec attention au vu de Belgique, puisqu'on est dans une confrontation et aussi une guerre de personnalités que l'on ne connaît peut-être pas ailleurs, dans un système proportionnel, dans un système parlementaire. Et donc on a vu, au fur et à mesure, justement, cette communication se professionnaliser. Alors il y a des exemples en Belgique, bien sûr, des campagnes, parfois un petit peu rudimentaires. Alors, c'est, en tout cas, le message est clair. Mais du côté français, on a, dès les années 70, innové et de plus en plus, justement, utilisé ces outils du marketing, avec des campagnes qui sont véritablement entrées dans l'ère du marketing politique moderne, hein. Des sondages systématiques, des face-à-face à la télévision, comme aux États-Unis, la même chose. Si ça marche. J'ai une intervention, vous avez écouté avec intérêt. On est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sacrément et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres. Donc, on est déjà à l'heure des éléments de langage, puisque c'est bien sûr une phrase qui a été préparée, un petit peu comme dans le débat américain qui a posé Trump et Hillary Clinton ce mardi. Vous aviez là aussi, enfin, lundi, la nuit de lundi à mardi, vous aviez là aussi des éléments de langage qui étaient bien sûr préparés. Donc ici, le but dans le discours, dans la confrontation, c'était à un moment donné de trouver l'instant stratégique pour sortir cet élément de langage. Même on en parlera encore ces prochaines semaines. Mais pour revenir sur cette professionnalisation des campagnes, on a vu donc l'apparition presque de publicité comparative, hein, où on a des candidats qui parlaient finalement moins d'eux que des autres candidats. Donc ici vous avez Georges Marchais pour le Parti communiste en France qui s'oppose au président d'alors, donc Valéry Giscard d'Estaing. Puis on arrive, je fais un saut d'une décennie, on arrive dans les années 80 avec Jacques Chirac, qui a massivement investi dans les outils de communication, avec là aussi une campagne à l'américaine. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, sa fille, Claude Chirac, avait été envoyée aux États-Unis pour étudier les stratégies de l'équipe de Ronald Reagan, qui était donc le président américain de l'époque, et qui là aussi avait innové en la matière avec une personnalisation accrue de sa communication. Donc là, au début des années 80, on a les campagnes de Chirac qui, pendant longtemps, ont été un candidat malheureux à l'élection présidentielle. Il est même avoir le pin, c'est Jacques Chirac, maintenant. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les ministères se arracheraient. Donc les campagnes de l'époque se marketisent, si j'ose dire, et on fait appel à des publicitaires reconnus, avec des agences de communication qui sont, je dirais, qui ont du nom sur rue, avec des personnalités comme Jacques Séguéla, dont vous avez probablement déjà entendu parler, et avec cette fameuse campagne, La Force Tranquille, en 1981, donc de François Mitterrand, où là, pour la petite histoire, il était question de rassurer le public français, les citoyens. Il n'était pas question de convaincre son propre camp, donc le camp de gauche socialiste, puisque c'était le candidat de la gauche, mais plutôt la France rurale, la France profonde, la France qui vote généralement soit au centre ou à droite, et donc faire poser ce président apaisé, calme, devant un clocher, devant un paysage rural classique. Et donc là, on est véritablement dans des considérations qui ne sont plus du tout politiques, puisqu'il n'est pas question d'afficher des projets ou une couleur, mais davantage d'englober et de proposer un message qui pourrait séduire tous les citoyens. Et on voit d'ailleurs que cette affiche a inspiré beaucoup d'autres leaders par la suite. Hein, bon, même si ici on a l'impression d'avoir plus à faire un fond d'écran Windows, mais on est quand même dans une disposition qui est relativement similaire. Et puis tout à fait récemment, cette année, une autre candidate qu'on n'attendait pas, en tout cas sur ce terrain-là, Marine Le Pen, qui, là aussi, on le voit peut-être moins ici sur l'image, mais est aussi dans un synonyme, hein, on n'est pas dans la force tranquille, mais dans la France apaisée. Voilà, alors qu'est-ce que cette candidate nous dit de cette campagne ? Il y a une autre affiche, on va la découvrir, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Vous apparaissez sur un fond champêtre avec ce slogan, la France apaisée, voilà. Ça rappelle quand même beaucoup la fille de Jacques Séguéla, François Mitterrand en 1981, la porte tranquille, le cadre bucolique, le ciel dégradé du bleu au blanc. C'est plus de la dédiabolisation, c'est de la normalisation. Mais sauf que lui, il parlait de lui. Oui. Alors que moi, je parle de la France. Oui, le visage pour moi, c'est beau. Moi, mon espoir, c'est ça. Mon espoir, c'est la France apaisée. Voilà. On verra encore d'autres exemples, parce que cette campagne est relativement intéressante. Alors, toujours dans les années 80, on voit qu'il y a cette personnalisation, et on pose en groupe, il y a déjà quelque part Alain Juppé, donc vous voyez, le candidat de demain, toujours, déjà dans les années 80, et qui entoure, ici c'est le RPR, hein, qui entoure Jacques Chirac. Et puis, vous voyez qu'il y a un certain nombre de slogans qui sont recyclés, réutilisés depuis une trentaine d'années maintenant. Ça dépend bien sûr du parti qui communique, mais on voit par exemple le PSC, le Parti social chrétien en Belgique, qui est donc l'ancêtre du CDH actuel, avait déjà des slogans et des arguments qui ressemblent très fort à ce qu'il utilise toujours aujourd'hui. Donc dès que la gauche et la droite s'étaient dépassées, donc voilà les campagnes, en tout cas toujours dans les années 80. On était également dans des campagnes comparatives. Donc vous voyez, il y avait alors des plagiats de la publicité commerciale, une publicité pour spa à l'époque, fait ton corps en vacances, et le Parti socialiste qui expliquait qu'il fallait en fait mettre Wilfried Martens, donc le Premier ministre de l'époque, en vacances et son gouvernement. Certains slogans étaient peut-être un peu plus osés, un peu plus francs et directs qu'aujourd'hui. On le voit ici, une campagne pour le PS. Hein, ce sera dur, mais ouais, on s'en sortiront. Donc, l'hôpital, c'est dans les années 80, qui a lancé déjà un petit peu la couleur. Et puis, petit à petit, on comprend que les leaders politiques sont tellement connus, tellement, d'une certaine manière, sont devenus des marques, on le verra dans la seconde heure tout à l'heure, qu'on pouvait se passer tout à fait d'afficher leur visage ou leur qualité propre, mais on pouvait carrément parler de génération Mitterrand, puisque c'était pour le second septennat en 1988, vous avez une autre élection présidentielle où François Mitterrand s'est de nouveau présenté, et là, de nouveau, Jacques Séguéla a estimé qu'on pouvait jouer sur cette génération Mitterrand, donc l'idée qu'il y avait, c'était 7 ans, hein, c'est pas une génération entière, en tout cas qu'il y avait toute une série de jeunes français qui n'avaient jamais connu d'autres présidents que François Mitterrand. Et donc, vous voyez, petit à petit, cette professionnalisation, et on est presque dans une campagne publicitaire relativement classique. Alors, je vous montre quelques exemples qui ont peut-être marqué les campagnes ces dernières années. Alors, ici, on voit qu'effectivement, on est dans les jeux de mots. On verra que beaucoup de partis politiques et de candidats osent les jeux de mots. C'est pas toujours une bonne idée, parce que ça peut paraître un petit peu pathétique, ou ça n'est pas toujours compris. Et puis, vous avez des partis qui ont beaucoup de choses à dire, qu'on retrouve soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, et qui sont encore en fait, dans des vieilles stratégies où il s'agit en fait d'afficher absolument tout ce qu'on veut faire sur l'affiche électorale. Donc ici c'est la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, donc l'ancêtre du parti anticapitaliste en France, donc l'extrême gauche, où vous avez vraiment en tout petit la figure du porte-parole, du visage, et puis vous avez bien sûr des arguments pour être bien sûr que les gens comprennent. Là, vraiment, on n'a pas vraiment évolué entre cette époque et les premières affiches qu'on a vues la semaine dernière, avec au moment de la Révolution française, passant à toi et lit, et avec quelques arguments pour expliquer pourquoi les gens devaient faire la Révolution, entre guillemets. Donc, vous avez les affiches des écologistes, c'est quelques affiches de la campagne de 2007 et 2012. Alors, Arlette Lévrier. Là aussi, on est à l'extrême gauche en France avec une candidate qui s'est présentée, je pense, 5 fois d'affilée. Et là aussi, on est dans une campagne relativement low cost, hein, si on peut le dire. Donc on voit que les stratégies sont pas toujours les mêmes. Alors, chez Jean-Marie Le Pen, je pense que c'est sa dernière campagne en tant que candidat en 2007, où là, vous voyez qu'on est presque dans une logique à la Benetton, hein, donc il faut vraiment représenter l'ensemble de la population, pour surtout ne pas faire peur. Et donc là, on va s'inspirer également d'un certain nombre de stratégies. Alors, une gauche courageuse, parfois, je vais faire un petit peu la psychologie de comptoir, mais parfois, on a l'impression que c'est pas la gauche courageuse, mais en l'occurrence, la candidate qui espère ici dépasser les 1% ou les 2%. Et donc, on a aussi parfois d'espoir qui est incarné par ce type de campagne. Alors, en 2007, d'après les observateurs, les spécialistes de communication, que ce soit les publicitaires ou les chercheurs, l'affiche qui a été la plus réussie à cette époque, c'était celle de Ségolène Royal, la France présidente, où le message était fort, donc c'est l'idée que c'est la France qui est présidente, et que finalement, Ségolène Royal n'est que la figure de proue, une sorte de symbole qui incarne la volonté des Français. Donc, après, on peut déconstruire l'affiche encore plus, mais il y a en tout cas là quelque chose de relativement classique, le visage, mais c'est le slogan qui est perçu comme relativement fort. Et puis, est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Angela Merkel ? Ouais. Donc, vous savez qu'en Allemagne, vous faites ceci et tout le monde comprend de qui on parle. Donc, là, c'était une campagne lors des dernières élections fédérales en Allemagne pour la CDU. Donc le slogan, c'est Deutschland Zukunft in guten Händen, donc l'avenir de l'Allemagne dans de bonnes mains. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient, en fait, au lieu de montrer le visage d'Angela Merkel, ils allaient donc faire ce fameux signe qui alors représente très très bien, mais composé, non, on ne pouvait pas le voir ici, mais de milliers d'images de militants, d'Allemands qui militent pour la CDU, qui sont donc des sympathisants de la candidate. Et donc, vous voyez que ça va très loin, puisqu'il y a même des smileys hein, qui vous pouvez vous montrer. Et puis bien sûr, on en parlera plus tard, mais on est bien sûr à l'ère du numérique, et à l'ère du numérique, qui dit numérique dit détournement d'images, Photoshop, et donc toutes ces images-là sont aujourd'hui relativement risquées, puisque vous n'êtes plus simplement dans un placardage de l'espace public, mais toutes ces images peuvent être réimportées, réutilisées, retravaillées, et donc on retrouve énormément de détournements sur Internet pour absolument chaque campagne. Et plus le candidat est controversé, plus, bien sûr, vous retrouvez détournements. Vous pouvez regarder, il y a pour chaque campagne, c'était la dernière campagne de Nicolas Sarkozy, avec son slogan la France forte, qui en fait n'était pas si original que ça, puisque dans les années 70, il y avait déjà Giscard d'Estaing, une France forte. Donc, est-ce que les images, est-ce que les affiches électorales sont toujours nécessaires? Est-ce qu'elles ne sont pas tombées en désuétude? Alors, il y a un grand débat autour de ça. Il y a, d'une part, vous jouez avec l'ego de l'homme politique qui doit exister, qui doit travailler sa notoriété, qui doit exister également dans l'espace public, c'est-à-dire vous devez pouvoir l'identifier et le retrouver. Alors, est-ce que c'est toujours nécessaire aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux? Est-ce que finalement, ces images ne sont pas des incitants au détournement? Alors ici, voilà un exemple. Bon, évidemment, je prends des extrêmes. Est-ce que finalement, ça joue en faveur du candidat? Alors, ce n'est pas du tout un montage, ce n'est pas du tout de la preuve. Hein, voilà. Donc, effectivement, on connaît ces images. Et donc, on voit donc que ces campagnes, aujourd'hui, ne constituent plus la priorité en termes de communication des hommes et des femmes politiques, et surtout des partis. Hein, donc, on verra que dans les prochaines semaines aussi que d'autres supports sont davantage privilégiés et qu'il est plutôt question d'investir des canaux de communication plus modernes. Mais voilà, l'image politique a joué un rôle très important, on l'a vu la semaine dernière, dans l'histoire de la propagation des idées, des idéologies, en particulier à gauche, avec le mouvement ouvrier, etc. Donc, bien sûr, il faut absolument les considérer. Mais aujourd'hui, ça reste relativement, je dirais, un reliquat d'une communication d'autrefois. Alors, de quoi faut-il parler dès lors aujourd'hui si les campagnes d'affichage sont tombées en désuétude? On a vu que les hommes politiques et les femmes politiques étaient dans une personnalisation accrue. C'est-à-dire que le travail sur l'image, sur la personnalité, comme on l'a vu avec Trump et Hillary Clinton, est aujourd'hui primordial. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a finalement évolué du marketing politique vers une forme de branding? Alors, le branding, hein, les marques, c'est bien sûr presque un synonyme, mais le marketing et le branding politique, est-ce qu'on est davantage dans une vente de soi-même? Est-ce qu'on devient soi-même en tant que leader politique, en tant que candidat, une marque? Donc, alors que les candidats refusent, bien sûr, de se voir assimilés à des simples marchandises, on a quand même aujourd'hui certains publicitaires qui, sans scrupule, estiment en tout cas qu'on peut considérer les candidats comme des produits. Hein, les candidats produits, et que ces candidats produits doivent conquérir à leur tour des parts de marché. Pourquoi est-ce qu'on veut conquérir des parts de marché? On veut, dans le vocabulaire des publicitaires, déclencher des votes achats. Eh bien, parce qu'on a finalement changé de logique. Hein. Donc on voit, parfois c'est un petit peu loin, mais vous avez des ouvrages comme ici de Marcel Botton, qui est un spécialiste de la publicité, qui lui explique que voilà, les hommes politiques sont des marques comme les autres. On voit que la campagne, la dernière campagne de Barack Obama contre Romney, on était presque finalement dans les logos, dans une opposition entre Pepsi et Coca. Bon, là, c'est c'est les protections de smartphone. Si jamais vous la trouvez, je suis preneur. C'est super original. Alors, donc à cette époque-là, effectivement, on est dans un investissement, si vous voulez, des marques. Y compris dans le domaine politique. Alors, est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'on peut véritablement faire ce lien entre les deux? Alors, Donc c'est parfois vu comme une caricature, mais pourtant, qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le marketing politique du marketing commercial? C'est une question d'ailleurs qu'on pourrait poser à l'examen, si c'est comme ça. Alors, tous deux font appel aux mêmes agences, on va voir des exemples tout à l'heure, dans la seconde heure. Ils utilisent les mêmes outils, les mêmes supports, les mêmes stratégies, hein, parfois un ciblage très très fin. Je parlais de parts de marché tout à l'heure, on est dans des logiques, encore une fois, de segmentation des marchés politiques qui ressemblent très fort à ce qu'on retrouve dans le marketing commercial. Alors, il y a une définition des thèmes de campagne, il y a des slogans, comme on l'a même cité, il y a des thèmes prioritaires. Je parlais tout à l'heure de Unique Selling Proposition, donc de différence motrice. On va s'intéresser aux ressources financières. On va faire des sondages. Donc, finalement, qu'est-ce qui différencie les deux? Alors, traditionnellement, chez certains auteurs, chez certains chercheurs en communication politique, comme Gourevitch et Marek, que j'ai cité tout à l'heure, il y a un certain nombre d'arguments qui sont avancés pour dire « Attention, ce n'est pas la même chose. » D'une part, les électeurs, en principe, sont égaux. Donc, c'est la différence avec les consommateurs. Les consommateurs disposent d'un pouvoir d'achat qui peut bien sûr varier considérablement, alors que chaque électeur dispose d'une voix et il n'y a pas vraiment de différence. Il n'est plus dans le vote censitaire, donc tout le monde a normalement la même voix. Alors, le consommateur, en principe, qui va s'intéresser aux marques commerciales, il a une variété assez importante. Il peut choisir du moment et du lieu d'achat, alors que bien sûr l'électeur, non. Il y a des cycles électoraux qu'il faut respecter. Les élections le dimanche matin vous obligent à aller voter, ce qui n'est pas bien sûr le cas du consommateur qui peut choisir le moment qui lui convient le mieux. Alors, le consommateur insatisfait, il peut faire valoir un certain nombre de droits. Si vous n'êtes pas content du produit, vous pouvez appeler le helpdesk, vous pouvez demander à être remboursé. Pas vraiment le cas avec les hommes politiques, hein, même s'il y a des manifs dans la rue, vous ne pouvez pas être remboursé. Et voter pour un candidat ou un parti revient souvent à voter contre tous les autres. Donc vous avez en choisir un, mais vous n'avez pas voté pour les autres. Alors que bien sûr, si vous êtes un consommateur, vous pouvez, si vous êtes très très riche, vous n'avez pas vous décider entre deux voitures, vous pouvez les acheter toutes les deux. Hein. Si vous pouvez, voilà, vous pouvez en tout cas varier et cumuler, je dirais, l'offre. Alors il y a un autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est une composante fondamentale du marketing, marketing commercial. Donc c'est le fait d'inciter à l'achat en démontrant l'utilité du bien ou du service promu. Donc vous allez sciemment acheter tel ou tel produit parce qu'on vous a démontré qu'il était bien, qu'il était performant, qu'il allait vous apporter une valeur ajoutée, en tout cas une commodité supplémentaire. Hein, donc ça c'est vraiment un élément fondamental dans le marketing commercial. Et donc vous êtes logiquement, il y a une promesse logique sur la satisfaction que cette valeur d'usage que ce produit va vous procurer. Et bien sûr, dans un contexte politique, dans une démarche électorale, cette valeur d'usage est totalement inexistante. Vous ne pouvez pas. Bien sûr, il y a des promesses électorales, mais les effets et les bénéfices éventuels pour vous, pour les électeurs, pourront se faire sentir uniquement qu'à moyen ou à long terme, si on veut être honnête, à très long terme, en général, lorsque la personne ne sera déjà plus au pouvoir. Puisque les mesures, le temps qu'elles se mettent en place et qu'il y ait des véritables bénéfices et des répercussions, mettent plusieurs années, hein, voire relativement long terme. Alors, donc, il y a une sorte de promesse qui doit être faite aux consommateurs politiques, si vous voulez, qui ne peut pas être vérifiée. Donc voilà en tout cas ce qui différencie, quand même relativement fortement, le marketing commercial et le marketing politique classique. Mais tout de même, la marque s'est imposée également en politique. Alors de nouveau, c'était un ancien candidat, Jean-Marie Dutec, qui avait sa propre liste, la Laïcité Dutec, qui était un candidat libéral, libertaire, de droite, etc., et qui lui aussi a joué beaucoup sur cette association d'images. Vous voyez, je ne ferai pas de... c'est relativement clair. Et donc, il y a aujourd'hui presque plus de différence, hein, entre... cette communication de marque, y compris du côté politique. Alors, la prolifération de cette forme de marque, hein, elle, aujourd'hui, elle est très loin de ses origines commerciales. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans la sphère de la consommation. Ça, c'est quelque chose de très important, qui dépasse bien sûr ce cours, mais on voit que le branding, la forme marque comme format communicationnel, dépasse de loin sa sphère traditionnelle, c'est-à-dire la sphère commerciale et économique. Et donc, elle va s'appliquer de manière aujourd'hui indifférente, hein, au territoire, par exemple, avec le marketing territorial, avec le nation branding, hein, on en parlera dans quelques semaines, avec le celebrity marketing, donc aux personnalités, et même à soi-même, avec le self-branding, la manière dont vous vous vendez en permanence sur les réseaux sociaux, ou sur Instagram, ou sur Snapchat, etc. Donc communiquer avec votre communauté de marque. Hein. Vous êtes aujourd'hui des représentants de votre propre marque en permanence. Donc ce format communicationnel de marque, il est aujourd'hui fortement démocratisé et utilisé dans différentes sphères. Et donc, est-ce qu'on peut parler du politicien comme marque et du citoyen comme consommateur rationnel? Pourquoi est-ce qu'on fait encore une fois ce lien ou cette métaphore de la marque? Eh bien, tout d'abord parce que cette forme marque, elle est devenue aujourd'hui un médium, donc un format beaucoup plus efficace et plus efficient, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pour véhiculer un message, y compris politique. Alors à quoi est-ce que c'est dû? Eh bien, on voit qu'en politique, les individus sont amenés à transposer leur comportement de consommateur et à manifester une conduite similaire à un choix de consommation ou de vote ou de votation, comme disent les Suisses. Donc le fait d'être constamment interpellé par des sondages, par des enquêtes d'opinion, par des comparatifs, des baromètres, des courbes de popularité, eh bien on se retrouve dans des logiques relativement proches de ce qu'on peut retrouver dans le monde des marques commerciales. Et on voit que les études sur les marques politiques montrent que le succès d'un parti, aujourd'hui, et bien sûr d'un candidat, est lié à sa capacité à produire une marque crédible et respectée. Hein, donc c'est d'ailleurs, je reviens en arrière, mais c'est le propos de l'ouvrage de Marcel Coton, donc c'est cette idée, encore une fois, de travailler son image de marque. Et donc la notion de marque, elle correspond aujourd'hui d'abord à un style, à une façon d'incarner sa fonction, et avec bien sûr un recentrage des débats autour de la personnalité et de la vie privée des candidats. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'extrait avec Donald Trump et Hillary Clinton, c'est finalement ce tempérament, cette personnalité qui aujourd'hui joue un rôle de plus en plus important. Et pour d'autres observateurs, la marque politique présente une grande similitude avec la communication corporate, hein, que vous connaissez dans le monde des entreprises. Là aussi, les questions de valoriser un parti, l'identité d'une organisation politique, comme on le ferait avec une organisation commerciale ou une entreprise. Alors, le recours aux marques dans un contexte politique, il n'est pas tout neuf, hein, tout récent. Donc la reconnaissance des partis politiques ou des élus comme marque, ça fait, je pense, maintenant 25 ans, 26 ans qu'on en parle sérieusement dans les études académiques, dans les travaux scientifiques, etc. Donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau. On s'intéresse à des concepts comme le branding management, donc le management de la marque, encore une fois pour rendre les marques politiques plus performantes. Et donc on le voit effectivement avec ces exemples-là qu'on est dans un marketing relativement similaire. Alors pour vous dire que personne ne laisse cela au hasard, voilà un autre exemple. Vous avez recruté il y a quelques semaines un secrétaire général adjoint du Front National, il s'appelle Jean-Lin Lacapelle, c'est un ancien directeur commercial chez L'Oréal. Amandine Atalaya l'a rencontré il y a quelques jours dans le cadre d'un reportage que nous avons diffusé ici même samedi soir, et voici comment il décrit avec franchise son rôle auprès de vous. Écoutons. Marie est en quelque sorte en train de faire une étude de marché. Et à cette étude de marché, il faudra apporter des bonnes solutions de manière à ce que nous ayons le produit parfaitement. pense que ça. Il a été chef de groupe au conseil régional pendant de nombreuses années, il a été cadre du conseil pendant de nombreuses années, il est parti dans le privé. Vous voyez, il revient avec le vocabulaire dans le privé. Donc, c'est lui. Si, ça nous a demandé, laissez-lui quelques semaines pour se replonger, dans la politique, parce que là, je crois qu'il a encore une vision, en tout cas un vocabulaire commercial. Un petit peu embêté, je pense. Pour une fois qu'un communicant était vraiment franc sur cette question-là. Je vous propose de faire une petite pause maintenant, et on se reprend vers ici. Des crises dans la vie politique et également quelques décennies de cela. Et donc, tout ça implique une redéfinition de l'image que les citoyens se font du pouvoir et de la démocratie. Et donc, on a une désidéologisation. En Belgique, on parlerait même d'une dépilarisation. Vous savez que la Belgique est, se base sur des piliers, hein, des piliers du socialisme, pilier chrétien, social chrétien, pilier libéral. Et on voit aujourd'hui que ces piliers résistent encore relativement bien, mais qu'on sort quand même de là avec des autres offres politiques qui ne se rapprochent pas à ces piliers. Enfin, si on pense à la NDR en Flandre, elle sort un petit peu de cette logique également. Et donc on est dans un phénomène de vote volatile, hein, ce que les Anglais appellent les floating voters, donc le vote flottant, les électeurs qui changent d'opinion, d'idéologie, de choix partisans d'une élection à l'autre. Et donc, d'après ce premier facteur, le glissement vers les marques, il relève principalement d'une carence idéologique du politique, d'une crédibilité doctrinale, donc les doctrines politiques n'ont plus véritablement la cote. Hein, alors les marques viennent en quelque sorte colmater cette brèche et vont insuffler un nouveau sens aux identités politiques. Hein, donc on a plus de concurrence des idéaux, de concurrence des idéologies, mais une concurrence des marques, des identités. Et l'engouement pour les marques permet en fait à l'individu, au citoyen, de reprendre contact avec les autres, de rétablir le lien. Et d'une certaine manière, les marques viennent réenchanter la politique. Donc ça paraît être très grandiloquent, mais c'est un des facteurs d'explication. Le deuxième facteur, donc le premier facteur qui explique le glissement vers les marques, c'est cette désidéologisation dont je viens de parler. Le deuxième, c'est la dimension opérationnelle. La dimension opérationnelle, puisque la forme marque, elle va permettre un feedback de l'électorat, un retour beaucoup plus quantifiable de l'électorat qu'on l'avait peut-être auparavant. Et elle permet également de résumer, de condenser le programme ou l'identité politique à quelques attributs. Pardon. Donc je parlais tout à l'heure de unique selling proposition, de différence motrice. C'est vraiment ça, c'est cette idée qu'on peut réduire l'argumentaire politique à quelques propositions, à quelques arguments, et qui identifient, qui labellisent l'offre politique. Donc voilà un petit peu les deux avantages. Là, d'une part, les deux facteurs, d'une part la désidéologisation, et d'autre part la dimension opérationnelle. Alors, je vous disais que l'apparition des partis et des individus marques politiques, elle date plus ou moins des années 90. Alors, il y a un parti qui a vraiment fait, je dirais, l'histoire et qui illustre bien ce basculement, c'est Forza Italia en Italie, donc le parti de Silvio Berlusconi qui a véritablement innové avec cette politique d'offre purement, finalement, commerciale. Et il faut savoir aussi, pour recontextualiser un petit peu cette émergence de Forza Italia, on est au début des années 90. La politique italienne est dans une grande crise, puisque la démocratie chrétienne qui a façonné la politique et qui a marqué le paysage politique depuis l'après-guerre s'écroule. À force de scandales, de crises internes, etc., il n'y a plus de démocratie chrétienne. Donc le parti cesse d'exister. C'est comme si du jour au lendemain, imaginez-vous en Wallonie, il n'y a plus de PS. Fini, ça n'existe plus. Donc il y a une recomposition totale du paysage politique italien. Et donc, vous voyez l'émergence d'un groupe de personnalités qui n'étaient pas politisées jusque-là, qui n'étaient pas marquées par une identité politique claire ou une idéologie claire, qui sont des entrepreneurs, des médias, des businessmen, et qui décident de se lancer en politique avec un parti produit qui est Forza Italia. Alors, ce phénomène-là a été très très fort, puisqu'il a été fondé, donc Forza Italia a été fondé en décembre 1993, et il a gagné les élections 4 mois plus tard. Donc ça a vraiment été un phénomène politique quasi inégalé. C'est un parti politique qui a été conçu comme une vraie marque. Il a été médiatisé massivement grâce aux chaînes de télévision Vous savez qu'il était à la tête d'un empire médiatique, Mediaset, qui permettait d'avoir cette médiatisation automatique de ce nouveau projet, de cette nouvelle offre politique sur mesure. Et puis, il y a bien sûr une identité visuelle très entretenue qui reprend, vous l'avez bien sûr reconnu, les couleurs d'une part de l'Italie, mais aussi le slogan ou le cri de ralliement des supporters, des tifosi, des supporters de foot italien, hein, donc Forza Italia. Et donc, on a cette identité un petit peu mixte entre déjà une forme de divertissement, voire l'univers du sport. On a là aussi Berlusconi, le président à l'époque du Milan AC, hein, le club de football. Et tous ces éléments-là vont être encapsulés dans une même offre que constitue cette plateforme Forza Italia. Alors, vous voyez que les slogans, ça c'est un slogan tout à fait récent, lors des dernières élections, où vous avez finalement un argumentaire qui, à milieu d'un argumentaire politique classique, on est presque dans du Donald Trump, hein, la mort revient chez Seth sous les vides et sous l'ordre, donc c'est l'amour qui gagne toujours sur l'envie et sur la haine, hein, donc voilà, parce que ça, la politique, bah, pas grand-chose, mais ça fonctionne, et avec cet écusson, hein, qui ressemble très fort à cet écusson de foot, d'ailleurs les conférences de presse de Berlusconi ressemblent un peu aux conférences de presse d'après-match, hein, que vous voyez ici. Donc on sait pas très bien de quoi il a parlé, de politique ou de résultats sportifs, avec justement ces coupes, ces ligues de champions, etc., qui a derrière. Alors, donc on est dans une communication de marque, avec un parti marque, et un candidat, effectivement, marque. Et on le voit, d'ailleurs, dans ses récentes, encore une fois, dans ses récentes apparitions, il y a un moment donné où Forza Italia, comme plateforme politique, a cessé d'exister, comme produit. On a transformé, il y a des ralliements d'autres partis politiques, on ne va pas faire la politique italienne ici, mais c'est devenu Popolo della Libertà, Catalana Libertà, donc d'autres noms. Et on est revenu quand même, il y a quelques années, à Forza Italia, parce que c'était une marque forte qui avait marqué l'histoire politique du pays. Et on le voit peut-être dans cet extrait. Despite the troubles of his past, Italy's former prime minister Silvio Berlusconi still has his fans, both in public and in politics. With enough support in his own party, he's rebranding the People of Freedom group into Forza Italia, the name of his original political movement. Perché Forza Italia? Why Forza Italia? Because we are incurable optimists and we are going to try again. Perché vogliamo una nuova primavera? We want a new spring for Forza Italia. We want the resurrection of a name in our hearts. Dentro I cuori. At his party's congress on Saturday, he spoke for over 1.5 hours. At one point, he became so emotional that his personal physician hurried on stage with a drink for him. A fellow party member then called for the vote. Infine! And finally, whoever is in favor raised their cards. We have a unanimous vote of those present. The document is approved. Long live Forza Italia! C'est ça, comment les congrès, finalement, ça pouvait être comme ça. Donc on voit effectivement que là encore, on a un cas problématique de cette communication de marque. Alors, il n'y a pas qu'en Italie, puisque par la suite, on a vu en France, dans les années 2000, effectivement, en 2007, lors de l'affrontement présidentiel de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, là aussi, deux candidats marques, d'une certaine manière, avec des ouvrages aussi qui sont sortis sur cette question, enfin, qui traitaient de cette question-là. Et donc on a un passage en force des marques politiques dans un univers qui était avant dominé par des partis projets de société. Donc on n'est plus dans des partis projets de société, on est dans des partis plateformes de visibilité, plateformes de crédibilité, caisse de résonance pour les marques individuelles que représentent les candidats. Et donc en 2007, d'ailleurs, on ne parlait plus de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, on parlait de Sarko et Ségo. Hein. Donc, diminutif, on n'a même plus besoin de parler du nom du programme. On est vraiment dans des marques et facile à prononcer d'ailleurs. Le publicitaire disait que c'était plutôt performant d'ailleurs. Et il n'y a pas que. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en France. Il y a quelques années, en 2013, j'ai observé les élections au Chili, l'élection présidentielle, et vous aviez les deux candidates à l'élection présidentielle, donc Dilma Mattei et Michelle Bachelet, qui s'opposaient. Même chose, on ne parlait plus d'un camp politique ou d'une couleur ou même d'une idéologie, on parlait de Michel contre Evelyne. Vous savez, c'est comme la télé-réalité. Il n'y a plus de nom de famille, il n'y a plus que des prénoms. Et petit à petit, ce basculement vers les marques à l'extrême, on est plus que là-dedans. Donc on a Hillary contre Trump, on a Michel contre Evelyne. Alors pour la petite histoire, on était vraiment dans la télé-réalité, même dans une telenovela sud-américaine, puisque ces deux candidates étaient amies d'enfance, etc. Enfin, il y a toute une histoire autour de leur passé. Alors en Belgique, là aussi, on a des hommes marques ou des leaders politiques, dont un très très performant. Donc, il y a quelques années, Luxe Express se titrait du groupe l'histoire d'une marque. C'est quand même le seul homme politique où vous simplement vous dessinez un nœud papillon. Tout le monde reconnaît de qui il s'agit, même dans la communication politique des partis de l'opposition, des adversaires. On va utiliser le nœud papillon comme signal, comme élément distinctif du candidat du groupe. Alors pourquoi est-ce que du groupe fonctionne mieux comme marque que les autres en politique? Bah, tout d'abord parce qu'il est facilement repérable dans la forme, dans le fond. Il est peu adepte, c'est le moins qu'on puisse dire, de la rupture de style. Et il répond aux fonctions primordiales des marques. C'est quoi les fonctions primordiales des marques? C'est garantir aux consommateurs une identification, une constance et une valorisation du produit. Donc on est dans quelque chose de relativement stable. Si ça vous intéresse, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mardi prochain, il y a une conférence de la communication politique, sur la communication politique des lieux du repos, par les lieux du repos lui-même, dans une institution concurrente. Mais AMI, AMIX, donc si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis l'info sur UV. Voilà pour la page de pub. Alors, donc, vous voyez en tout cas que, y compris dans le domaine de la publicité, on va utiliser cette image de marque bien implantée, où vous voyez ici des marques qui font appel à des hommes politiques, en tout cas des personnages publics qu'on peut identifier très facilement. Alors ici, en l'occurrence, surtout cette page de, surtout sur la gauche, vous avez bien sûr le lieu du repos dans une pub pour une marque de voiture. Aussi, c'est un petit peu différent, c'était au moment de la passation de pouvoir entre Albert et le roi Philippe. Voilà, Ikea proposait effectivement de changer les meubles. Donc, simplement pour vous montrer qu'il y a de moins en moins de différences entre la manière de traiter la communication, le message autour du pouvoir et autour d'une offre commerciale classique. Ça peut même aller très très loin. Vous vous souvenez de l'épisode du scooter de François Hollande, c'est aussi quelque chose? Ouais, enfin voilà, donc là aussi, les marques se sont données à cœur joie. Vous voyez, bon, je ne vais pas tous vous les lire, mais vous voyez vous-même que, monsieur le président, la prochaine fois, évitez les scooters, Sixte loue des voitures avec vitres teintées. Et bon, ça peut aller très très loin. Alors, assez drôle, le fabricant du casque de François Hollande le remercie, lui écrit en fait, poste ces petits articles. Bien sûr, c'est la marque du casque qui le reprend, pour dire que grâce à lui, grâce à cette exposition, il a fait exploser ses ventes. Et voilà, après, bon, il y a des... si cher Valérie, le changement, c'est maintenant, inscription gratuite sur le site de rencontre, enfin, parfois c'est un petit peu méchant. Donc il était question aussi de Valérie Tribal. Donc vous voyez, encore une fois, ce mélange des genres qui est de plus en plus présent. Alors, comme dans le monde, encore une fois, des marques, vous avez également la notion, vous connaissez probablement, de benchmarking. Le benchmarking, c'est s'inspirer de ce qui fonctionne chez les autres. C'est un terme tout à fait propre pour parler du pillage d'idées, parler du plagiat, etc. Donc en marketing politique comme en business, il faut savoir voler d'autres quand elles semblent bien faire. Alors, on sait très bien qu'en France, depuis maintenant une dizaine d'années, quelqu'un comme Nicolas Sarkozy aime s'inspirer, en tout cas, de la communication du Front National et reprendre un certain nombre d'idées. On en parlera d'ailleurs dans quelques semaines, mais pas seulement en France, on le voit également en Belgique, qu'en termes de territoire à conquérir, vous savez que les places sont chères. On a parlé tout à l'heure de la différence entre les marques commerciales et politiques. Si vous voulez voter à gauche, vous ne pouvez pas multiplier les votes, donc vous allez choisir une offre politique. Et on voit très bien, par exemple, en Belgique en francophone, les candidats à gauche et l'offre politique de gauche, elle est relativement pléthorique. Donc là aussi, il y a une concurrence très très forte. Donc il est question de conquérir des parts de marché. Donc aller chercher ce qui fonctionne en face, conquérir des parts de marché, et ça peut aller très loin, puisque en parlant de logique de benchmarking, en politique, on parle de la stratégie de triangulation. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la stratégie de triangulation, donc comme vous pouvez le lire ici, donc c'est la façon la plus simple et la plus efficace de d'aller à l'encontre, de défier la prévisibilité du discours attendu, et donc de s'écarter des marqueurs idéologiques habituels et de s'approprier le vocabulaire et la thématique de l'adversaire. Donc, plutôt que de faire du benchmarking comme le font les marques traditionnellement, on va faire de la triangulation, c'est-à-dire qu'en tant que parti politique ou de candidat, on va aller piocher des idées performantes dans le camp d'en face. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement contre-productif, c'est se mentir à soi, c'est mentir aux électeurs, et pourtant, c'est fortement plébiscité. D'une part, les journalistes adorent ça, parce qu'on a l'impression que les leaders politiques qui font de la triangulation sont des innovateurs, des révolutionnaires, et en même temps, le public est étonné, parce que peut-être des personnes, des citoyens qui sont traditionnellement soit à gauche ou à droite, mais qui sont quand même tentés par les idées en face, se retrouvent avec une sorte de consensus qui s'avère en tout cas séduisant. Hein, donc on voit en tout cas un exemple ici. Quoi qu'on en pense, c'est sans aucun doute un moment important qui vient d'avoir lieu dans la préparation de l'élection présidentielle. Ségolène Royal a donc dévoilé son programme contre la délinquance et a créé la surprise en prenant la manière forte. La présidente de la région Poitou-Charentes vient concurrencer Nicolas Sarkozy sur son terrain de prédilection. Alexandre Carra, Annie Boirin. Après avoir détrôné Nicolas Sarkozy dans les sondages, Ségolène Royal s'attaque au ministre de l'Intérieur sur son terrain de prédilection. La socialiste dénonce la faillite de la politique de sécurité du gouvernement et n'hésite pas à surenchérir sur le pont comme sur la forme. Éducative, je connais des collèges où il y a entre 8 et 10 élèves qui à eux seuls pourrissent la vie de l'ensemble de l'établissement. Alors maintenant je crois que ça suffit. Il faut retirer les élèves perturbateurs des collèges, non pas pour les exclure des collèges et pour les renvoyer à la rue, mais pour leur redonner une nouvelle chance. Loin de l'angélisme attribué à la gauche, Ségolène Royal propose une autre politique. Mise sous tutelle des allocations familiales, stage de formation pour les parents défaillants, tuteurs dans les collèges, elle va même plus loin, proposant le recours à l'armée pour les délinquants de plus de 16 ans. Il ne s'agit pas de revenir à l'ancien service, il s'agit de créer des lieux d'encadrement à dimension militaire où les jeunes sont pris en main, avec bienveillance, c'est-à-dire avec des adultes qui ont envie de les raccrocher à la réussite, à la vraie vie, à reprendre confiance en eux-mêmes et à s'orienter vers des activités valorisantes. François Hollande, patron du PS et compagnon de Ségolène Royal à la ville, semblait lui-même aujourd'hui un peu dépassé. Concernant le projet, est-ce que le Parti Socialiste que je connais, voilà, discours très ferme. Le Parti Socialiste se reconnaît pas dans son projet. En déplacement à Perpignan, Nicolas Sarkozy, lui, répond en jouant la carte de l'ironie. Je ne rejette aucun soutien. Si Mme Royal peut me soutenir, elle est perdue au club. Au fur et à mesure de ses déclarations, Ségolène Royal jette le trouble, à droite comme à gauche, dans une campagne loin de la discipline, en tout cas celle du Parti Socialiste. Donc, voilà un exemple en tout cas de triangulation. Voilà. Alors, les arguments de vente derrière des marques, c'est le changement. Vous le voyez à chaque élection présidentielle ou chaque élection tout court, y compris en Belgique, c'est cette notion de changement qui revient. Alors, dernièrement, les candidats emblématiques ont fait très très fort, puisque le changement est devenu vraiment le marqueur de campagne numéro un, donc ce soit avec Barack Obama, Change You Can Live In, ou bien sûr le fameux changement, c'est maintenant, de François Hollande. Mais on aura l'occasion de revenir un peu sur ses arguments et sur ses stratégies de sélection un peu plus tard. Un autre concept qui est importé du monde du marketing commercial vers le marketing électoral, c'est la notion, non pas de branding, mais de rebranding. Donc on retravaille la marque, hein, donc on va faire un rabattement de façade, si vous voulez, on va rénover et on va changer soit le logo, soit d'identité, d'identité visuelle. Donc vous avez bien sûr des travails de rebranding tout à fait, je dirais, généraux, comme avec le PSC, qui d'abord est devenu le nouveau PSC, donc on en parlait tout à l'heure, c'est l'ancien Parti Social Chrétien qui est devenu le CDH, l'ancien PRL, FDF, MCC, donc le Parti Libéral, le FDF, qui entre-temps lui-même a changé de nom, et le MCC, qui est devenu le MR, et puis peut-être quelque chose qui est en train de se dessiner en France, l'ancien FN, qui est identifié, qui est lié bien sûr à la figure de leader de Jean-Marie Le Pen, petit à petit devient autre chose. Alors, lors des dernières élections régionales en France, vous avez eu une liste qui s'appelait non plus Front National, mais Rassemblement Bleu Marine, qui permettait à des leaders qui ne voulaient pas du tout s'affilier au Front National, parce que ça reste quand même un petit peu compliqué pour certains, de simplement se lier à cette plateforme relativement ouverte qui était le Rassemblement Bleu Marine. Donc de supporter, c'est un anglicisme, mais de soutenir Marine Le Pen et non pas le Front National. Alors donc il y a d'autres questions qui me liaient à ça. Donc est-ce que le Front National doit changer de marque, hein, vous voyez ça, c'était je pense dans Le Monde, je ne sais plus très bien. Donc est-ce que le Front National doit changer de marque et est-ce que finalement Marine Le Pen doit changer de nom? Alors, parce que Le Pen est chargé négativement, bien sûr, hein, tous les dérapages, on en parlera dans quelques semaines avec un cours là-dessus, mais donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et alors on voit qu'elle a, en gros, elle a solutionné le problème, puisqu'elle ne va pas changer de nom, mais elle a simplement enlevé son nom. Donc maintenant, si vous allez sur le site de campagne de Marine Le Pen, c'est Marine 2017. C'est beaucoup plus simple. On n'est plus, évidemment, dans du Le Pen. Donc, vous voyez que le nom, le changement de marque, le réajustement constant que représente le branding est également très important, puisqu'il faut durer dans le temps. Une politique de marque nécessite une stratégie claire, mais qui demande aussi une adaptation constante. Hein, donc on va prôner une sorte de changement, ou alors on va, comme une marque commerciale, lorsqu'un parti estime qu'il est plus adapté à l'ère du temps, à une réalité politique ou sociale, il va s'adonner au rebranding pour rajeunir sa marque, pour moderniser sa marque, et donc ça devient bien sûr un élément central dans la stratégie de communication des partis. Alors une autre personnalité qui a travaillé sur sa propre marque de manière assez incroyable ces dernières décennies, c'est Hillary Clinton. Puisque Hillary Clinton, elle a changé plusieurs fois d'identité, finalement. Donc Clinton a, depuis longtemps, recruté des spécialistes du marketing, marketing de la consommation, d'ailleurs elle a été beaucoup plus loin dans la spécialisation, des spécialistes du marketing de la consommation, le consumer marketing field, donc on est vraiment là dans un mélange de genre total, pour retravailler son identité de marque. Et alors, le job de ces conseillers en communication, ces conseillers en marketing, c'était d'imaginer une Hillary non pas 2.0 ou 3.0, etc., mais 5.0. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans la cinquième identité présentée aux électeurs et aux Américains par Hillary Clinton. Hein, donc on est passé d'une première dame qui est devenue sénatrice, qui est devenue candidate malheureuse ensuite à l'élection présidentielle en 2008, qui est ensuite devenue secrétaire d'État sous Barack Obama, une secrétaire d'État sous tension, comme vous le savez, et qui ensuite devient maintenant la candidate démocrate en 2016. Donc on est là dans des changements relativement fréquents, où à chaque fois il faut adapter le message, adapter l'argumentaire et l'identité de la candidate. Donc actualiser la marque pour le marché de demain. C'est, vous voyez, c'est vraiment un langage de publicitaire. D'ailleurs, Peter Seeley, qui est l'homme derrière la campagne très connue de Coca-Cola, Always Coca-Cola, donc cette fameuse campagne qui nous a, qu'on a matraqué pendant des années, dans les années 90 en particulier, et là, déclaré que justement Hillary Clinton fonctionnait comme Coca-Cola, puisqu'on a affaire à une marque top of mind. Donc top of mind, ça veut dire que si on va dans la rue et on demande à des gens, citez-moi deux noms de boissons ou trois noms de boissons, vous allez directement avoir, enfin, en général, les gens vont vous dire Coca-Cola. Et en politique américaine, depuis des années maintenant, Hillary Clinton a cette marque déjà bien établie autour de son nom, donc elle a cet avantage-là. Mais le problème, c'est que contrairement à une marque commerciale, on ne sait pas ce qu'elle promet. On ne sait pas quelle est la promesse derrière. C'est-à-dire, avec Mercedes ou Volvo, par exemple, on s'imagine qu'on a affaire à une voiture de sécurité, avec de la sécurité garantie. Coca-Cola, rafraîchissement, très bien. Mais Hillary Clinton, on ne sait pas. Donc les publicitaires ont un problème avec ça. Et donc, on a vu dernièrement dans ses campagnes, y compris dans ses clips de campagne, que Hillary Clinton a plutôt décidé de se mettre en retrait. Puisque elle-même, comme personnalité, n'était pas porteuse d'un message d'identité forte, comme l'était par exemple Barack Obama, hein, même si Hillary Clinton serait la première femme présidente, ça ne suffit pas aux yeux des Américains ou des consommateurs politiques américains. Et donc on le voit que dans les clips de campagne, on est dans autre chose. I'm getting ready for a lot of things. A lot of things. It's spring, so we're starting to get the gardens ready, and my tomatoes are legendary here in my own neighborhood. My daughter is about to start kindergarten next year, and so we're moving, yeah, just so she can belong to a better school. Mi hermano y yo estamos empezando un primer negocio. After 5 years of raising my children, I am now going back to work. Every day we're trying to get more and more ready and more prepared. Day four, on your way. Right now I'm applying for jobs. It's a look into what the real world will look like after college. I'm getting married this summer to someone I really care about. I'm gonna be in a plane, I'm gonna be in a fish costume. I'm gonna find fishes. I'm getting ready to retire soon. Retirement means reinventing yourself in many ways. Well, we've been doing a lot of home renovations. But most importantly, we really just want to teach our dog to quit eating the trash. And so we have high hopes for 2015, and that's gonna happen. I started a new career recently. This is a fifth generation company, which means a lot to me. This country was founded on hard work, and it really feels good to be part of that. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead. Because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote. Because it's your time. And I hope you'll join me on this journey. Vous voyez, un petit peu comme chez Angela Merkel tout à l'heure, il y a cette volonté de se mettre en retrait, finalement mettre en avant les citoyens américains et ce que eux représentent, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue minoritaire également. Donc il y a en tout cas une stratégie qui est mise en place qui ne privilégie plus cette peopleisation, cette personnalisation qu'on avait jusqu'à présent. Mais on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Alors, toujours pour... ça va peut-être passer... toujours pour vous parler de ces concepts importés du monde du marketing et utilisés dans le vocabulaire des communicants politiques, on a parlé du rebranding, désolé pour tous ces anglicismes, hein, mais bon. On a parlé du rebranding et on parle également du co-branding. quoi le co-branding? C'est bien sûr l'alliance de marques. Alors dans le monde commercial, c'est par exemple un truc très très bizarre, Philadelphia qui propose un fromage au goût de Milka, je ne sais pas si c'est ça ou le contraire. Voilà. De manière plus classique, des assurances qui, qui vont s'associer à un partenaire proactif, donc BCL, enfin Margarine, si je ne me trompe pas, ou encore de manière plus classique, avec des marques de voitures qui vont s'associer à des marques du luxe, du monde du luxe, comme Gucci, ou des personnalités issues du monde du luxe, comme Karl Lagerfeld, qui ravit les bouteilles de Coca Light. Donc voilà des exemples du monde commercial lié au co-branding. Alors, dans le monde politique, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, vous avez ce besoin, encore récemment, de montrer que vous êtes soutenu par d'autres marques politiques fortes. En l'occurrence, si vous êtes un Premier ministre belge et que vous êtes un peu en difficulté sur les questions de sécurité, les questions de sécurité, bien sûr, du terrorisme, et des mesures prises, eh bien, vous allez vouloir inviter un Premier ministre français qui est perçu, en tout cas, de Belgique comme étant très dur, comme ayant une ligne dure sur ces questions-là. Pourtant, en tant que Premier ministre de gauche, et logiquement pas lié à, au gouvernement actuel ici en Belgique, mais qui va venir valider, qui va venir donner son approbation à ce qui est mis en place ici en Belgique, concernant ces fameuses mesures liées à la sécurité. Donc voilà un exemple en tout cas de co-branding. Et puis vous avez bien sûr la logique des cartels politiques. Hein, les cartels politiques, c'est pour une élection, vous avez des partis qui vont faire liste commune. Alors il y a un parti politique qui a bénéficié de manière relativement éclatante de cette logique-là, c'est bien sûr la NVA, puisque dans les années 2000, vous aviez eu un cartel entre le CDNV et la NVA qui a vraiment mis le pied à l'étrier de la NVA de Bart De Wever, qui finalement maintenant s'est retourné contre le CDNV, puisque la NVA est aujourd'hui beaucoup plus grande, en tout cas représente en tout cas plus de sièges au Parlement. Donc voilà en tout cas ces exemples de co-branding. Alors parfois ça peut bien sûr avoir lieu uniquement dans un contexte politique, comme on le voit ici, mais parfois on va aussi chercher à s'attirer le soutien de célébrités. Donc là, on est dans une forme de celebrity marketing qu'adorent d'ailleurs les hommes et les femmes politiques. Et ça date pas d'hier, comme vous le voyez. Vous avez bien sûr des habituels soutiens du camp démocrate aux États-Unis. Mais vous voyez que déjà dans les années 60, Nixon et Elvis Presley, vous avez. Ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, que quelqu'un reconnaît des personnes ici sur cette image. Oui, et. Nancy Reagan, exactement, donc l'épouse de Ronald Reagan, le président américain, dans les années 80. Donc ça date pas d'hier, et donc vous avez systématiquement là aussi des personnalités qui viennent renforcer la réputation, le capital sympathie également, d'un leader politique. Alors ça peut donner ça aussi, je ne sais pas si on veut voir. Honestly, I think we should just trust our president in every decision that he makes, and we should just support that, you know, and be faithful to what happens. Do you trust this president? Yes, I do. Alors, c'est pas question de Barack Obama ici, mais vient de George W. Bush, donc qui avait effectivement parmi ses soutiens Britney Spears. Donc vous voyez, tout arrive. Alors parfois ça se passe bien, et parfois ça se passe un peu plus mal. Donc pour la anecdote, il y a quelques années, vous aviez donc ce soutien, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, hein, c'est un rappeur, Bob Gineco, dans les années fin des années 90 et des années 2000, qui reste avec son nom de gloire, et qui a soutenu effectivement Nicolas Sarkozy, et qui a même sorti un livre, Les grands esprits se rencontrent. Alors vous imaginez que cette réception était plutôt mitigée. Et donc l'important pour que ça marche, c'est bien sûr que l'écart ne soit pas trop grand entre l'univers des, soit des candidats ou des partis politiques, ou l'univers de la célébrité et de l'élu ou du mandataire ou du candidat dont il est question et dont il faut renforcer l'aura auprès d'un certain public. Hein, donc l'impact de la participation des célébrités, bien sûr, peut aussi engendrer une confusion. Ici, les gens probablement sont un petit peu confus par cette association, et il faut qu'on reste quand même dans un univers de valeurs identiques. Alors l'intérêt des stars, c'est quoi? avant, on pouvait encore parler d'engagement politique. Vous aviez, il y a de nombreuses décennies, en France, des gens comme Yves Montand, comme Roger Hanin, ou encore bien avant, Aragon, ou encore bien avant, Brieux-La Rochelle, ne revenons pas sur ces personnages-là, mais qui étaient dans un véritable engagement politique, que ce soit pour la cause communiste, voire l'extrême droite, voire le socialisme. Aujourd'hui, on est dans autre chose. Puisqu'on a affaire à une communication de marque, on est davantage un échange donnant-donnant, on dirait c'est quand même royal, où l'idée est bien sûr de bénéficier de la notoriété de chaque personnalité qui accepte ce pacte, d'une certaine manière. Alors pour Nicolas Sarkozy, on l'a vu, Johnny Hallyday, Jean Reno, Christian Clavier, qui sont bien sûr des stars populaires du cinéma, vont l'aider à la fin des années 90, au début des années 2000, à faire oublier ses origines aristocrates, ou en tout cas comme ancien maire de Neuilly. Il ne faisait pas très populaire, hein, donc à la fin des années 90. Et parfois, ça peut, on peut aller un peu plus loin, effectivement, ici avec Doc Gineco. Là, on peut plutôt parler de deal perdant-perdant. Mais d'autres associations sont relativement étonnantes. Je ne sais pas si vous avez suivi ceci. Hi, I'm Sean Lawrence. This is my wife, Gina. We are here to talk about a growing concern we all share. If we look to history, our great country and freedom are under attack. We're at a tipping point, and quite possibly our country as we know it may be lost forever if we don't change the course our country is headed. In the 2008 election, 30 million evangelical Christians stayed home on voting day, and Obama won the election by 10 million votes. We know you love your family and your freedom as much as Gina and I do. And it is because of that we can no longer sit quietly or stand on the sidelines and watch our country go the way of socialism or something much worse. And may God continue to bless the United States of America. See you at the polls. Donc là, en l'occurrence, il était question de soutenir Mitt Romney, donc le candidat républicain contre Barack Obama. C'est probablement la seule fois où Chuck Norris n'a pas gagné, n'est pas sorti vainqueur d'un affrontement. Donc voilà, en tout cas, pour cette association, en tout cas, ce co-branding, cette alliance de marque, ou socialité marketing. Alors, dernier élément un petit peu anecdotique, c'est ce qu'on appelle les marques filiales. Les marques filiales, c'est le nom que l'on transmet d'une génération à une autre. Alors, vous savez bien qu'en Belgique, on est pas champion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait relativement souvent. On retrouvait des fils et des filles d'hommes politiques sur les listes. Et donc là aussi, l'avantage, c'est un petit peu comme l'iPhone 7 va remplacer l'iPhone 6. De bénéficier déjà d'une notoriété, d'une marque relativement bien établie. Alors, on a déjà parlé du Front National en France, qui est probablement l'unique formation politique française, en tout cas, rattachée à un patronyme, hein, Le Pen. On a vu que ça pouvait poser problème. Mais en Belgique aussi, il est difficile de faire sans cette transmission des noms, des patronymes, des marques déjà préétablies. Alors, il y a quelques exceptions. Hein. Vous connaissez, comme Emilio Di Rupo, comme Didier Reynders, etc., qui n'ont peut-être pas eu cet héritage, ou qui n'ont pas cet héritage à transmettre, mais autrement, le paysage politique est relativement rempli de ces exemples de marques préexistantes, de marques filiales. Donc, on va pas passer plus de temps dessus, mais c'est important, puisque pour les futurs détenteurs de la marque, du nom, du patronyme, il va falloir se faire un prénom. Hein. On a vu que, en tout cas pour notre Premier ministre, la transition n'était pas évidente, puisque entre un Michel et un Charles Michel, il a fallu toute une phase, je dirais, de création de notoriété pour émerger en tant que marque individuelle, si vous voulez. Le tout dernier point que je voulais voir avec vous, et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant systématiquement d'une élection à l'autre, c'est qui dit marque, qui dit produit, dit produit dérivé également. Donc le merchandising politique, la mercantilisation des élections aujourd'hui fait partie, j'allais dire, de l'attirail du communicant politique. Alors on voit que ça peut aller relativement loin. Alors ça c'était une ancienne campagne en 2007 ouvriez la boutique de Nicolas Sarkozy à l'époque, tout devient possible. Je ne sais pas si quelqu'un se baladait réellement avec ses sacs dans la rue. En tout cas, peut-être qu'un jour, comme Jacques Chirac, ça sera tendance d'ici une vingtaine d'années. Mais donc, de maintenir une politique, c'est également un enjeu de taille, puisqu'il s'agit de remplir les caisses également des partis. Hein, le but aussi, c'est de financer, parfois par voie détournée, puisqu'on ne peut pas faire appel à des dons trop importants. On n'est pas dans un système américain, en Belgique, en France, etc. Et donc, c'est via ce biais-là, via cet appel aux goodies, hein, ce qu'on appelle les gadgets de campagne, que l'on va réussir à récolter un certain nombre d'argent. Alors, ça permet aussi d'augmenter la visibilité de la marque, et ça permet bien sûr aux sympathisants, pardon, des candidats, de s'équiper en produits dérivés, etc. Alors, vous voyez d'autres exemples. Alors, parfois, on se pose un peu des questions, on se dit, je ne sais pas très bien enfin, comment il faut interpréter cela, mais vous savez, d'ailleurs, qu'en France, la marque du Front National, elle se décline aussi en pins. Ici, c'est un tout vieux pins, qui est une des meilleures ventes, d'ailleurs, de la boutique du Front National. Et elle a été créée, tenez-vous bien, en 1983. Donc c'est des partis politiques qui n'ont justement pas accès, plus accès de manière automatique, systématique aux grands médias, ont cherché à tout prix, par d'autres moyens aussi, d'augmenter leur champ de vision, d'augmenter leur visibilité, leur notoriété, à travers ces éléments, soit cosmétiques, vestimentaires, ou enfin, je ne sais pas quoi. Donc on est vraiment dans un investissement relativement important, et on le voit, alors, plus qu'ailleurs, bien sûr, on le voit aux États-Unis avec la boutique Trump. Alors bon, évidemment, avec Trump, on a un cas un petit peu spécial, puisque la marque Trump existait bien avant son entrée en politique. Il suffit d'aller, si vous êtes déjà allé à New York, vous avez des Trump Towers, vous avez le Trump Steakhouse, vous pouvez tout acheter estampillé Trump, vous pouvez dormir sur un matelas Trump, enfin, c'est assez incroyable. Et donc là, il y a aussi une vraie communication de marque bien établie, qui ressemble un petit peu à la campagne finalement d'un Silvio Berlusconi. Hein, on n'est pas très loin de Forza Italia, Make America Great Again, on est comme quelque chose d'assez similaire. Il arrive bien sûr également, alors voilà, on le voit qu'aujourd'hui on vend tout n'importe quoi. Et Trump, déjà dans les années 80, avait son jeu de société qui ressemble un petit peu à Hotel, enfin, je sais pas comment ça fonctionnait. Mais donc là aussi, vous pouviez imaginer être Trump et gagner beaucoup d'argent et racheter beaucoup de bâtiments. Et bien sûr, bon, je ne reviendrai pas sur cet outil de campagne. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le merchandising n'a vraiment plus de limites. Voilà, je propose d'en rester là pour aujourd'hui.